donner de la terre. Debout, debout. Force à de la fin. Raison. Tonne. Cratère. L'éruption de fin. Du passé. Faisons tes bras. Fous l'esclave